peux-tu chanter le sentiment de liberté? Aussi fort, aussi puissamment qu'un révolté qui brise des chaînes invisibles dans sa psyché. Pieds et mains liés tel un pantin articulé. Partons maintenant, coupons les fils. Laissons tout en plan la mouvance futile. Avoir l'air sous le diktat de l'apparence. Au bout du compte, on manque d'air même quand on part en vacances. Accepter dans la tête la publicité, te montrant au volant d'une nouvelle voiture, d'un 4x4 SUV coupé sur mesure. Posons maintenant nos high-tech mobiles, nos écrans ambulants et tactiles. Car avoir l'air, c'est le diktat de l'apparence. Le dernier cri que tu espères n'est plus qu'un jeu de dominance.